بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نواصل في هذه الحلقات من هذه السلسلة في الفرق الضالة. Donc on continue aujourd'hui notre série sur les sectes en islam. Et Naam, on essaye dans ce cours de résumer les égarements de Al-Qadianiyya. Et Kadalik, ce groupe il est connu sous l'appellation Al-Ahmadiyya. C'est un groupe mina Al-Kafara. Kama Sayati, Anahom, ils ont une croyance qui contredit les fondements de l'islam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq. An Abi Huraira radiyallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله رواه البخاري ومسلم. ففي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبر البروفيت صلى الله عليه وسلم إلى انفورمي أن avant la fin des temps يبعث دجالون كذابون des menteurs, des charlatans qui vont prétendre annahum c'est des prophètes ou des messagers. قال النبي صلى الله عليه وسلم قريب من 30 اي environ 30. وفي حديث سمرة, le hadith précédent il a été rapporté par البخاري ومسلم. وفي حديث سمرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وانه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا آخرهم الأعور الكذاب. نعم. Donc dans ce hadith, la confirmation que plusieurs menteurs, Dajjaloun, ils vont prétendre أنهم c'est des prophètes ou des messagers, حتى le dernier d'entre eux, ça sera الدجال الأعور أي المسيح الدجال le faux messie. الحديث رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه. Cette dernière narration فيها ضعف, لكن beaucoup d'autres hadiths qui vont dans ce sens des شواهد. فالحديث il est حسن كما قال الإمام الألباني رحمه الله في الصحيح, حسن أو صحيح. ومن هؤلاء الكذابين زعيم القاديانية الدجال Ghulam Ahmed akhzahullah. Et parmi ces menteurs qui ont prétendu annahum c'était des prophètes à notre époque, al-musamma Ghulam Ahmed al-Qadiani, ay le fondateur de ce groupe égaré al-Qadiani. Amma nash'atuhum, un bref aperçu de l'apparition de ce groupe. Qala Cheikh Mohammed ibn Abdullah ibn Subayl rahimahullah في كتابه الإيضاحات الجلية في الكشف عن حال القاديانية, une رسالة طيبة de ce شيخ رحمة الله عليه qui est décédé il y a quelques temps. Il faisait partie des imams de المسجد الحرام في مكة. Il a écrit une رسالة مختصرة très résumée sur ce groupe. قال وإن من محاولات المستعمرين البريطانيين في صد المسلمين عن دينهم إظهارهم لرجل يدعي النبوة وهو المسمى غلام أحمد ميرزا. Donc, هنا il a fait une précision importante. أن ce groupe qui est apparu en Inde et au Pakistan, dans cette région qui était à l'époque colonisée par les Britanniques. Et من محاولات هؤلاء الظالمين, ces colonisateurs qui ont fait beaucoup d'injustices dans les pays musulmans, parmi leurs ruses, annahum, ils ont utilisé, ils ont financé des égarés pour combattre l'islam de l'intérieur. On a un exemple ici avec les Qadianiyya, qui ont été financés à la base par les Britanniques au Pakistan et en Inde. Et كذلك un autre exemple, marra ma'ana, concernant la secte des Soufis, avec les colonisateurs français qui ont soutenu As-Soufiyya, qui les ont financés pour combattre les musulmans. هذه سين فائدة عظيمة أن ما من مبطل Tous ces groupes égarés, en général, ils ont des liens avec les ennemis de l'islam. Que ce soit Soufia, que ce soit le Qadiani, que ce soit le Rawafid, que ce soit le Khawarij, d'aïmen, ils ont des liens avec les ennemis de l'islam et ils les utilisent pour combattre les musulmans. Kadhalik, comme on a détaillé ensemble dans les sectes concernant le Khawarij, ou, que ce soit le Qaïda ou Daesh, il a akhiré. Donc, ce groupe, à la base, il a été fondé avec l'appui des Britanniques qui avaient à l'époque colonisé l'Inde. وقد كان ظهور المدعو غلام أحمد القادياني المولود سنة 1048. Donc, هذا الدجال غلام أحمد القادياني, le fondateur de ce groupe القادياني, il est né en 1840. في الهند, en Inde. في منطقة وينجاب في بلدة قاديان. Donc, il est né dans cette région, le Punjab, et dans cette qarya, dans cette petite ville, ce village, Qadian. Donc, il est d'origine de ce village. C'est pour ça qu'on l'appelle Al-Qadian. Et c'est pour ça que la secte, Al-Ulama, il l'appelle Al-Qadianiyya. Nisbatan, en référence au fondateur. Wa illa fahum, ils sont appelés, ils s'appellent eux-mêmes Al-Ahmadiyya. En référence au nom du fondateur, Ghulam Ahmed. Aïe, Ghulam Ahmed, ça veut dire Khadim Ahmed. Son père, il l'a appelé avec ce nom à la base, Ghulam Ahmed. Aïe, Khadim Ahmed. Aïe, le serviteur de Ahmed. Aïe, du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et on verra qu'il fait partie des ennemis du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, qala في بلدة قاديان حيث ادعى النبوة في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي وزعم أنه يوحى إليه. ثم quelques années après, à la fin du 19e siècle, au début du 20e, ailleurs, en 1900, il a prétendu أنه y recevait la révélation. وزعم أنه يوحى إليه و كفر من لم يؤمن بنبوته الكاذبة. Et كذلك, il a rendu mécréants ceux qui ne croyaient pas à ces mensonges. وظهرت بذلك فرقته التي عرفت باسم القاديانية والأحمدية. Donc, c'est le même groupe. القاديانية, en référence donc à la ville d'origine du fondateur, et الأحمدية, en référence à son prénom. وقد اتخذ مولده القاديان مركزا لنشر دعوته في الهند إلى أن هلك في عام 1908. Donc, sa ville, Al-Qadian, c'est devenu leur marquez, c'est devenu le centre de cette secte. Et Al-Khabith, il est mort en 1908. في شهر مايو, au mois de mai, بمرض الكوليريا. فأهلكه الله سبحانه وتعالى بهذا المرض. Il est mort du choléra. انتهى كلام الشيخ السبيل رحمة الله عليه. وهذا الدجال غلام أحمد في مبدأ ظهوره كان يدعي أنه هو المهدي. Au départ, il n'a pas prétendu directement que c'était un Nabi ou un Rasoul. Là, au départ, il a prétendu que c'était Al-Mahdi. Donc, au départ, il a prétendu que c'était Al-Mahdi. Al-Mahdi, c'est pas un Nabi et c'est pas un Rasoul. Thumma, ba'da dhalik, idda'a annahu Nabi. Et ça nous montre anna al-shaytan, quand il veut égarer une personne, fa khutwa khutwa. La tattabi'u khutwa al-shaytan. Hakada qala azza wa jal. Fa hada al-rajul, au début, idda'a annahu, c'est Al-Mahdi. Thumma, il s'est égaré. Thumma, idda'a al-khabith annahu, c'était un Nabi. قَالَ وَأَنَّهُ عِيسَى الَّذِي سَيَنْزِلْ فِي آخِرِ الزَّمَانِ. Thumma, il a prétendu que c'était lui, Isa, qui devait descendre à la fin des temps. Donc, à son époque, c'était lui. ثُمَّ اِدَّعَ أَنَّهُ إِبْنُ اللَّهِ تَعَالَى تَعَالَى عَنْ ذَلِكْ عُلُوًا كَبِيرًا. Thumma, il a prétendu, Al-Khabith, أنه c'était le fils d'Allah, l'enfant d'Allah, Azza wa Jal. Comme il pense les chrétiens. La même aqida que ces colonisateurs, les colons britanniques qui ont injustement colonisé son pays d'origine, Al-Khabith, vu qu'il était en lien avec eux, il avait la même aqida. Qala al-Kadhab al-Dajjal Ghulam Ahmed. On peut rapporter une de ses paroles, Huna, comme référence à tout ce qu'on vient de citer. Fi kitabihi Haqiqat al-Wahi. Il a des dizaines d'ouvrages, Hada al-Mujrim. Et parmi ses livres, Haqiqat al-Wahi, est la réalité de la révélation. Et dans ce livre, il montre clairement, il a prétendu que clairement que c'était un nabi, un prophète. قال ثم بقيت إلى 12 سنة غافلا كل الغفلة عن أن الله تعالى قد يخاطبني بالمسيح الموعود. نعم هنا يقول الكذاب أنه pendant plus de 10 ans il était insouciant alors que Allah سبحانه وتعالى كان يخاطبه, il lui parlait. Et il lui a montré que c'était lui, Al-Masih Al-Mou'oud. Le Masih qui devait descendre avant la fin des temps. Et Isa ibn Maryam, alayhi salam. Et ma'rouf, Isa ibn Maryam, alayhi salam, il n'avait pas de père. Et sa mère, c'était Maryam. Ma, hadha al-kadhab. La shak annahu, il avait des parents, il a akhiri. Qala. قد يخاطبني المسيح الموعود بكل إصرار وشدة وما زلت على عقيدة نزول عيسى العام. Pendant ce temps, cette période, il est encore dans, il avait encore la croyance des musulmans. أن عيسى devait, أو il allait plutôt descendre à la fin des temps. ولكن لما انقضت الاثنتا لما انقضت اثنتا عشر سنة أنا أن تنكشف علي العقيدة الثانية. فتواتر علي الإلهام أنك أنت المسيح الموعود. لكن après 12 ans passés de réflexion et d'insouciance, et في الحقيقة c'est الشيطان كان يحاربه. الشيطان il combattait هذا الخبيث, il combattait son cœur avec des choubas, avec des incertitudes, avec de la mécréance. Après cela, il a été convaincu que c'était lui le Messie que les croyants ils attendaient. Aïe. Sa descente avant la fin des temps. وقال أخزه الله في مقاله الأخير, dans un de ses derniers écrits qui a été propagé في جريدة عام, قال أنا نبي حسب حكم الله ولو جحدته وكن آثما. نعم. Donc il est mort على هذه العقيدة أخزه الله. أنه il pensait vraiment que c'était un nabi. Et هنا قال لو جحدت اي si j'aurais rejeté هذا j'aurais été un pécheur, اي le fait de ne pas croire que lui-même c'est un nabi. قال واذا سماني الله نبيا فكيف لي جحوده. انظروا الكذب. هنا il prétend clairement c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui l'a appelé nabi, donc il n'a pas pu rejeter هذا. وانا على هذه العقيده حتى ارحل من هذه الدنيا. نعم. إيه لا يعلم له توبة ورجوع إلى الإسلام هذا الزنديق. نعم. Donc il avait pris cette décision de rester sur cette عقيدة jusqu'à sa mort. نعم. ثم بعد ذلك ادعى des choses encore plus graves كما سيأتي معنا. أما أبرز شخصيات هذه الفرقة الضالة, أما les personnalités connues, les guides, les imams de cette secte égarée. Enfin, le premier, on l'a cité, le fondateur, Al-Mu'assis, Ghulam Ahmed Mirza, donc Al-Mawloud, Sanat 1848, il est né plutôt en 1840 et il est mort en 1908. Amma le deuxième, Khalifatuhu, celui qui lui a succédé à la tête de la secte, c'était Nuruddin, wa huwa Khalifatu Ghulam Ahmed. Le troisième qu'on peut citer, c'est Bashir. Bashir al-Din, Mahmoud Ahmed. Et c'était le troisième. Et c'est un des enfants du Mu'assis, du fondateur, Ghulam Ahmed al-Qadiani. Le quatrième, Mirza Nasir Ahmed. Et c'est le fils de Bashir, celui qu'on vient de citer. Wa ghayruhum, ghayr ha'oula al-Zanadiqa, kathir. Et à notre époque, leur représentant, leur guide, c'est Al-Mirza Masrour Ahmed Al-Khalifatu Al-Khamis, c'est le cinquième calife, le cinquième guide de ce groupe. Et Hada Ad-Dajjal Al-Qadiani, il yaish fi London. Il vit à Londres. Et ta'ammalou. Il est revenu au asl. Ceux qui ont financé ses ancêtres, Al-Mu'assis, le fondateur, ils ont colonisé leur pays d'origine. Et Al-Khalifatul Khamis, leur guide actuel, il vit chez Ikhwanihi, Al-Nasara. Il vit chez ses frères qui les ont colonisés à la base. Hakada ahlu al-shar wa al-dalal. Amma aqaid al-qadiyaniya, al-ahmadiyya, amma leurs fondements et leurs croyances, fa kathira. On peut citer aqidatuhum أن الله عز وجل يصلي ويصوم وينام ويخطئ عيدا بالله. إذن سات عقيدة أن الله سبحانه وتعالى في الصلاة يجن يدور يستخمب. هذا سيد الكفر بالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال عز وجل ولله المثل الأعلى وقال سبحانه هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Et هؤلاء, ils ont cette aqida en Allah subhanahu wa ta'ala, il dort, il jeûne. Iyadam billah, ils ont fait ressembler le créateur aux êtres humains. قال الدجال مرزا قال لي الله اي الدجال مرزا اي غلام احمد قال لي الله, il a prétendu en Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a dit إني أصلي وأصوم وأصحو وأنام. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. والله هذا الكلام تجمل على السيتي المسلم الكويني لجمل السيتي مثل هذه الخرافات وهذا الكذب. وقال أخزه الله في كتاب البشرى قال الله إني مع الرسول أجيب وأخطي وأصيب. هنا clairement il prétend que Allah subhanahu wa ta'ala il lui a dit أنه il est مع الرسول et أنه il se trompe et Allah subhanahu wa ta'ala il se trompe et il peut avoir raison. Tout ça montre أن هذه الفرقة c'est une فرقة qui n'a rien à voir avec l'islam. فلهذا جميع المسلمين, tu trouves même بعض الضلال من المبتدعة, vraiment des groupes qui sont loin de la sunna, yukaffirun al-qadiyaniya. C'est pour ça que leur cas, il est clair. C'est pour ça qu'on va pas s'attarder longtemps. Il n'y a pas besoin de réfuter longuement leurs principes, leurs fondements. L'imad al-yana, c'est fondé sur rien, c'est de la mécréance claire. Il n'y a aucune ambiguïté. C'est pour ça que, alhamdoulilah, ils sont pas propagés. Khassatan dans ce groupe, il n'est pas propagé, surtout dans les pays musulmans. Ce groupe, il arrive à se propager dans les pays où il y a beaucoup d'ignorance. Khassatan bilad al-a'ajim. Maintenant, en Inde, au Pakistan, beaucoup de gens, ils comprennent pas l'arabe, ils ne comprennent pas le Coran, as-sunna da'if. Kadalik, en Europe, certains pays en Europe, en Allemagne, en France, kadalik aux États-Unis, kadalik, ils se sont propagés dernièrement en Afrique. Les pays où il y a beaucoup d'ignorants. Amma le pays où l'islam il est muntashir, khassatan les pays arabes, fa la yaqbaluna mithla hadhihi al-khurafat abadan. Thaniyan, deuxième point qu'on peut citer, i'tiqad al-qadiyani annahu ibn Allah. Bel, il a prétendu clairement annahu c'était lui le fils d'Allah. Comme taqaddam, il a prétendu que c'était lui Isa. قال الخبيث الدجال كما في البشرى خاطبني الله بقوله اسمع يا ولدي. Il a prétendu en Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a révélé, خاطبه, il lui a parlé avec هذا الكلام. Et il lui a dit اسمع, écoute يا ولدي, écoute mon enfant. Et هذا كذلك, ça suffit pour comprendre la mécréance de ce groupe. بل كان يعتقد أنه هو عين الله سلبي الله. كان يعتقد هذا الخبيث. قال أخزه الله كما في كتاب وحي المقدس قال للرب أنت مني وأنا منك ظهورك ظهوري. عقيدة الاتحادية الحلولية. Il pensait al Khabith, et on a, il a dit clairement que Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a dit Anta minni wa ana mink. Je fais partie de toi et tu fais partie de moi. Dhuhuruk dhuhuri. Si tu as le dessus, c'est que j'ai le dessus. Aïe, al Khabith, كان يعتقد أنه c'était lui, Allah. انظروا au départ à l'iddi'a أنه c'était le Mahdi. Il a prétendu que c'était le Mahdi. ثم il a prétendu que c'était Isa. ثم il a prétendu que c'était un Nabi, un Rasul, comme ça y a été. ثم في الأخير il a prétendu que c'était lui, Allah. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. C'est pour ça qu'on doit faire attention à أهل الضلال. Vu que هذا الخبيث, il a grandi dans هذا المجتمع qui était fondé sur l'ignorance, avec les ennemis de l'islam qui les ont financés, فغطر. Et il a fini par dire مثل هذا الكلام. Il a fini par dire ce genre de paroles. وقال لعنه الله في كتاب البرية إن الله نزل في وأنا واسطة بينه وبين المخلوقات كلها. انظروا على كلام خطير. إن الله نزل في, أي الله سبحانه وتعالى il est descendu في هذا الإنسان, أي lui الله il forme qu'un, نعوذ بالله, وأنا واسطة. ثم il a prétendu que c'était lui l'intermédiaire entre Allah et toute la créature. ومن هذيانه قوله لقد رأيت في إلهامي أني أنا الله فأيقنت أني هو. انظروا كلام clair. أي après une certaine réflexion, il a compris que c'était lui Allah. Et il était sûr. Et هذا الكلام الذي يريده بالنص في رسالة الشيخ السبيل رحمة الله عليه. Il a cité avec les références qu'on a citées. فكما قلنا هذه الأقوال لا تحتاج إلى ردود وبيان. On n'a pas besoin de réfuter avec des adillah, avec كلام أهل العلم, ce genre de paroles. فكفر الرجل, il est واضح أنه c'est un دجال et أنه c'était un كذاب. ثالثا, عقيدة التناسخ والحلول. أي Il croyait en tanasur. Tanasur, c'est la réincarnation. فَقَالَ الْقَادِيَانِ كَمَا فِي تِرِيَاقِ الْقُلُوبِ إِنَّ مَرَاتِبَ الْوُجُودِ دَائِرَةِ وَلَقَدْ وُلِدَ إِبْرَاهِيمِ بِعَادَتِهِ وَفِطْرَتِهِ وَمُشَابَهَتِهِ الْقَلْبِيَّةِ بعد وفاته بنحو 2000 سنة و50 في بيت عبد الله بن عبد المطلب وسمي محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا قال أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام النبي الرسول il est revenu sur terre après sa mort, et après 2000 ans dans le foyer de Abdullah ibn Abd al-Muttalib, et il s'appelait Muhammad. Et le prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام pour هذا الخبيث, c'était la réincarnation du prophète Ibrahim. وقال أخزاه الله و تحل الحقيقة المحمدية وتتجلى في متبع كامل. المتبع الكامل c'était lui. كان يزعم, il prétendait que المتبع الكامل c'était lui, هذا الخبيث. أي أن lui-même c'est la réincarnation, c'était la réincarnation du prophète محمد عليه الصلاة والسلام. وقال كما في كلمة الفصل لبشير أحمد القادياني أن الله قد أنزل محمدا صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في قاديان لينجز وعده. Un de ces sujets, هنا clairement il a cité leur croyance أن الله سبحانه وتعالى il a envoyé le prophète محمد صلى الله عليه وسلم une deuxième fois à قاديان, et c'était leur guide أي غلام أحمد. كذب وإجرام. هذا سامونتر كليرمون ان هؤلاء ils n'ont rien à voir avec l'islam comme on a déjà cité. ومن عقيدتهم ان النبوة لم تختم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Et ce point c'est le plus connu عن هؤلاء. Beaucoup de gens ils connaissent القاديانية par rapport à cette مسألة. انهم ils ont cette croyance que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas le dernier des prophètes. Et il peut avoir des prophètes après lui. Et parmi ces prophètes, leur guide, Ghulam Ahmed. قال الله سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. في هذه الآية قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره هذه الآية نص في أنه لا نبي بعده. Ce verset من سورة الأحزاب c'est une preuve claire qu'il n'y a pas de prophète après notre prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. C'est Khatam al-Nabiyyin, et c'est le dernier des prophètes. قال ابن كثير رحمه الله وإن كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بطريق أولى بطريق الأول بطريق الأولى والأحرى. نعم. Donc si c'était le dernier des prophètes, donc il ne peut pas y avoir de prophète après le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, فكذلك il ne peut pas avoir de rasoul. نعم. لأن chaque rasoul c'est un nabi. Donc, s'il n'y a pas de Nabi, forcément, il n'y a pas de Rasoul. Et on peut citer كذلك, قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. الحديث أخرجه الإمام مسلم وغيره عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. الحديث est clair. أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال لا نبي بعدي. Il n'y a pas de prophète après moi. ومع وضوح هذه الأدلة فإن القاديانية يعتقدون أن النبوة لم تختم. Avec la clarté de ces preuves, et c'est la croyance de chaque croyant, que le dernier des prophètes, c'est notre prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام, tu trouves أن القوم هذه الفرقة الضالة ils ont rejeté tous ces adillas. Ils ont interprété certaines de ces preuves pour propager leur fausse croyance qu'il peut y avoir un prophète après Mohammed alayhi salatu wasalam. Et on peut se demander, lakin, comment ils vont interpréter ce verset? Le verset, il est clair. Ils ont des ajaïb. Parmi leur interprétation, min tahrifihim, an قوله عز وجل خاتم النبيين الختم هنا بمعنى الطبع الختم هنا بمعنى الطبع اسمع إلى كلام أحد القاديانية قال محمد منظور القادياني في كتابه ملفوظات أحمدية المراد بخاتم النبيين Hey, c'est quoi le sens de Khatam al-Nabiyyin? Donc, on répète pour nous, en tant que croyants, en tant que musulmans, Khatam al-Nabiyyin, c'est le dernier des prophètes. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé beaucoup de prophètes, beaucoup de messagers, et la révélation, elle a été clôturée, terminée, avec notre prophète Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est Khatam al-Nabiyyin, c'est le dernier. Allah subhanahu wa ta'ala, قال, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. Donc la révélation, elle est terminée, le din, il est parfait. Donc هذا c'est clair. أما عند هؤلاء قال المراد بخاتم النبيين. Donc pour le sens de خاتم النبيين, أنه لا يمكن أن تصدق الآن نبوة أي نبي من الأنبياء إلا بخاتمه صلى الله عليه وسلم. وكما أن كل قرطاس لا يكون مصدقا مؤكدا إلا حين يطبع عليه بالخاتم فكذلك كل نبوة لا تكون مطبوعا عليها بخاتمه صلى الله عليه وسلم وتصديقه تكون غير صحيحة. Qu'est-ce qui veut dire par là هذا الدجال أن عندهم le fait de dire que le prophète صلى الله عليه وسلم c'est خاتم النبيين الخاتم pour eux c'est الطبع. C'est pour ça qu'il a donné cet exemple. مثلاً, certains documents, pour qu'ils soient officiels, ils font un tampon du responsable. فهم يقولون خاتم النبيين, et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il accepte qu'un tel soit un prophète, et l'officialise la prophétie d'un tel, ça peut être un prophète. C'est ça, عندهم خاتم النبيين. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam yatba, il est d'accord et il officialise qu'un tel saint prophète, pour eux, il n'y a pas de problème. Unduru at-talal. Unduru at-takalluf. Unduru az-zayr. Quand l'insan s'égare, comme il s'écarte loin des textes. Et vous avez remarqué qu'ils ont interprété le verset, l'imada. Il en a rejeté le verset, c'est la mécréance claire. Ma'anoum, c'est des mécréants clairs, haoula. Lakin, pour égarer les autres, ils font croire qu'ils acceptent le Coran. Ma sunnava, haoula, ils n'en parlent même pas, ils la rejettent. C'est pour ça que le hadith qu'on a cité, avec sa clarté, la nabi yaba'adi, ils n'en tiennent pas compte, haoula. Ils ont une deuxième interprétation. Anna ma'na al-khatm, c'est le kamal, ou al-afdaliyya. Aïe, qawluhu. Azza wa Jal wa khatam al-nabiyyin, pour eux c'est afdal al-nabiyyin, c'est le meilleur des prophètes. Zinat al-nabiyyin, c'est celui qui avait le plus de science, etc. Qala ad-dajjal Ahmed, Ghulam Ahmed fi al-qawl al-sarih, na'ni bin-nubuwwa khatm kamalatiha ala nabiyyina alladhi huwa afdal rusul wa anbiya'ihi wa na'taqid annahu la nabiyya ba'dahu illa alladhi min ummatihi wa min akmal atba'ihi. Donc pour eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des prophètes, et c'est le meilleur des prophètes, et il ne peut pas avoir de prophète après lui, sauf si c'est un prophète de la communauté de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on revient au premier sens. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il officialise sa prophétie, enfin pour eux, c'est bon. Ils ont une autre explication. Ma'na al-khatm, ay la ya'ti nabi bi shari'a jadid wa min ghayri ummati. Comme on a vu, et ça peut pas être un prophète d'une autre communauté, il faut forcément qu'il soit de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que d'aller, il faut pas que ça soit, ça peut pas être un prophète avec une nouvelle sharia, avec des nouveaux commandements, avec un nouveau livre, etc. Là, c'est un prophète qui vient confirmer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu comme révélation. Et tout ça, bien sûr, c'est du kadhib. قال غلام أحمد إن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء بمفهوم أنه قد تمت عليه كمالات النبوة وأنه لا يأتي بعده رسول ذو الشريعة جديدة ولا نبي من غير أمتي. Donc ils ont compris le verset, أنه ça peut pas être un prophète autre que de notre communauté, la communauté du prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام, et que d'aller il peut pas venir avec une nouvelle شريعة, une nouvelle législation. C'est pour ça que, pour eux, le Qadiani, c'est un prophète, il fait partie de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour eux, alors que c'est un kafir, un mujrim, et kadhalik, pour eux, il n'est pas venu avec une nouvelle sharia jadid. Et il a confirmé ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait apporté. Hadhihi c'est min shubuhatihim. Ça fait partie de leurs ambiguïtés. Et en fait, c'est pas une ambiguïté, c'est du kufr. Et ne pas comprendre que c'est une ambiguïté, ils peuvent être excusés. Abadan. Ou là, c'est des kafara bi ijma'a ahl al-ilm. Tous les savants, ils font sortir mitlaha ou là de l'islam. Et qui prétendent que il peut y avoir un prophète après notre prophète Mohammed alayhi salatu salam. Et ça, c'est un point, sans compter les points qu'on a cités auparavant, de la mécréance claire. Quatrième chose, et on finit avec hada, concernant cette mas'ala, le fait qu'ils ont la conviction qu'il peut y avoir un prophète après notre prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام, من فضل هذا الخاتم لأن القاضياني هو محمد صلى الله عليه وسلم نفسه. Pour eux, le fait de dire que Ghulam Ahmed al-Qadiani c'est un prophète, ça contredit en rien le verset. Et que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم c'est le dernier des prophètes. Pourquoi? Parce que pour eux, le Qadiani, c'est la réincarnation du prophète Mohammed, alayhi salatu salam. Donc pour eux, il n'y a pas un prophète qui est venu après. C'est le même. Iyadam billah. Ils se contredisent. Marra yaqulun kada, marra yaqulun kada. Qala ghulam Ahmed, ana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bi sifat dhilliya. Fa li adli hadha, man fadda hadha al-khatam. Donc il a dit, ana, je suis Muhammad, alayhi salatu salam. C'est pour ça que il n'y a pas un prophète qui est venu après lui. قال لأن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بقيت على حالها منحصرة في محمد وحده, أي أن محمد وحده هو النبي الآن, وإذا كنت أنا محمد بصفة الجسدية فأي رجل غيره يكون قد ادعى النبوة بصفة مستقلة. Donc Il a conclu, si lui-même c'est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, donc personne n'a prétendu qu'il y avait un prophète après Mohammed, alayhi sallam. Anduru al-kadib, qatalahu Allah, min kadhab afak. Wa qala Mirza Bashir, aïe, le fils de Ghulam Ahmed, comme on a cité au début, wa mimma huwa wadih kash-shams fi rabi'ati an-nahar. أن باب النبوة لا يزال مفتوحا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. Et ils ont ouvert cette porte خطيرة, cette porte de mécréance. أن هذا الخبيث, il a prétendu pour lui, c'est clair comme le soleil en plein jour, que la porte de la prophétie, elle n'a pas été fermée après notre prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. Ça montre quoi? Qu'ils ont la conviction qu'il peut y avoir encore d'autres prophètes autres que leur menteur de guide, Ghulam Ahmed. Et on répète, cette aqida, c'est de la mécréance claire. قال الشيخ محمد السبيل رحمه الله تعالى في كتابه المذكور الإضاحات الجلية وأنت بهذا تراه حينا يدعي النبوة وحينا يدعي الألوهية مما يدل على حمقه وجهله. Vous avez remarqué que tous ces passages qu'on a cités de leur livre, des paroles du fondateur lui-même, ça montre une contradiction flagrante et claire. Belle, ça montre que Rajul, il n'avait pas la raison. Hunq, c'était de la folie, ces paroles. L'imam Ghali, il a dit que c'est lui Isa, Marra, il a dit que c'était lui le Mahdi, Thumma, il a dit que c'était lui le fils d'Allah, Thumma, il a dit que c'était lui Muhammad, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, Thumma, il a prétendu que c'était lui-même Allah, Azza wa Jal. Ça montre un Rajul, c'était un kadhab et il se contredisait. Et ma'ahada, tu trouves un malayin, des millions de personnes, et ils ont suivi hada al-kadhab, ce menteur. Al-an al-qadiyaniya, dans le monde, Allahu alam, ils sont combien là? Même si on dit ils sont 2, 3, 4, 5, 6 millions. Ma'ahada al-humq, et avec ces mensonges, tu trouves que il a des suiveurs. Ça nous montre ماذا? Ça nous montre أن لا نغتر بالكثرة. On ne doit pas se faire avoir par un tel, il suit un tel. هذا الخبيث, il a réussi à avoir des suiveurs. المسيح الدجال, il aura des suiveurs. الشيطان عدو الله, il a des suiveurs. L'essentiel, c'est pas de suivre, ou le nombre. Là, l'essentiel, c'est de suivre الحق. De suivre le prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. D'avoir comme principe le Coran ou le Sunna à la fahmi salaf. Wa illa fa kathirun min al-nas, ils prétendent annahum ils sont à la haq, même si c'est des menteurs, ils ont des suiveurs. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-thabat. Thumma qala yadul ala humqihi wa jahlihi wa ikhtilal aqlihi. Na'am, hadha ça montre son ignorance, ça montre sa folie, et kadhalik ça montre annahu, na'am, il avait un problème dans la raison. Qala kayf yad'i أنه الله ثم يدعي أنه رسول من عند الله وحينا يدعي أنه عيسى بن مريم وحينا يدعي أنه أفضل من عيسى. نعم, des contradictions claires. Une fois il a dit que c'est lui Allah, une fois il a dit c'est lui Muhammad, une fois il a prétendu que c'était lui عيسى, وهكذا. تخبط في ظلمات الكفر. قال وأن أحد دعاتهم وهو المسمى سيد زين العابدين ولي الله شاه. On dort à At-Tadkhim. Et kadalik, ça, c'est un point important. Anna ahl al-ahwa, min al-mubtadi'a, ou kadalik, al-zanadiqa akthar, annahum, ils ont ce genre de surnom. Sayyid Zayn al-Din. C'est le maître de Zayn al-Abidin, plutôt. Sayyid Zayn al-Abidin, waliullah. Donc, c'est le maître de Zayn al-Abidin et c'est l'allié d'Allah. Tout ça, c'est du kadhib. Le kalam qui l'a cité, c'est du kufr wadih. Fakadalik, la naghtar bi al-mustamayat ou bi al-alqab. At-tadkhim, c'est très simple. Gonfler une personne, c'est très très facile. Là, on doit daïman regarder les fondements. Al-manhaj, sur quoi tu te bases, qui tu suis. Thumma, les appellations, ça change rien à la réalité. Qala, fi kalimatin al-qaha, idda'a fiha anna al-murad min hadhihi al-aya. Il a prétendu que le sens de la parole d'Allah Azza wa Jal, قَوْلُهُ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدٍ من سورة الصف قال هو مرزا غلام أحمد وليس بمحمد صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا. Ça vous montre أن مم لا بارول دالله عز وجل أن عيسى قال أنه يأتي من بعدي نعم ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فهذا الكذاب il a prétendu que ce Ahmed c'était Ghulam Ahmed alors que le verset il a été révélé des siècles avant la naissance de Ghulam Ahmed et ils ont prétendu que c'était lui. فحماقات وجهل عياذا بالله. خامسا من عقيدتهم أن قاضيان أفضل من مكة. كذلك on peut citer un autre point de leur croyance أن القاضيان أي le village d'origine أو la ville d'origine de leur fondateur pour eux c'est mieux que مكة. قال غلام أحمد كما في حقيقة الرؤية إن القاضيان هم أم القرى فالذي ينقطع عنها يقطع ويمزق وقد انقطع ثمرة مكة والمدينة ولكن ثمرة القاضيان ما زالت طازجة. Donc il a prétendu أن القاضيان c'était أم القرى. أم القرى qui est cité dans le Coran. لا شك أن أم القرى c'est مكة, c'est la Mecque. Ils ont prétendu que c'était le Qadiyan. Et كذلك في هذا الكلام clairement il a favorisé le Qadiyan sur مكة والمدينة. وقال إن مؤتمرنا السنوي هو الحج. Leur rassemblement القاديان. Et ils font ce rassemblement jusqu'à aujourd'hui. أن القاديانية ils se rassemblent une fois par an dans la ville d'origine de leur fondateur غلام أحمد. فقال أن ce rassemblement c'est le حج. C'est ça le حج. قال وإن الله اختار المقام الذي نعم وإن الله اختار المقام لهذا الحج القاضيان وممنوع فيه الرفث والفسوق والجدال. نعم هذا سامونتر كليرمون أن بور الحج سي لو فات دو سو روندر القاضيان. وأخيرا ديرني بوان تعظيمهم وتبجيلهم لأعداء الله وعدوانهم وعداؤهم بلوتو للمؤمنين. Dernier point, أنهم هؤلاء القاديانية donnent beaucoup de محبة à leurs frères parmi les ennemis de l'islam. On a cité au début les Britanniques quand ils ont colonisé l'Inde. Et tu les trouves, ils ont une énorme animosité envers les croyants. قال غلام أحمد أخزاه الله والإنجليز خير لكم ألف مرة من هؤلاء المسلمين الذين يخالفونكم. فالمؤسس leur guide dans ce passage il a montré clairement que les Anglais sont mille fois mieux que les musulmans. Ces musulmans qui vous contredisent. نعم هذه عقيدتهم. وقال الدجال القادياني والواقع أن الحكومة البريطانية جنة لنا. Pour eux, le gouvernement britannique qui a colonisé l'Inde, pour eux, c'était Al-Jannah. Et ils aimaient le fait que leur pays soit colonisé par Ha'oula Al-Kafara. C'est pour ça que Al-Khabith, il a renié Al-Jihad contre les Anglais à cette période. Ben, il a écrit des livres pour montrer que le Jihad, ça n'existe pas. Tout ça pour faciliter la tâche aux colons britanniques. Et ça montre Az-Zahir. Il avait... المؤمن il aime son frère mu'min, المؤمن il secourt son frère mu'min, المؤمن il accepte jamais que les ennemis de l'islam ils colonisent son pays, un pays musulman. وقال احد زعماء القاديانيين في خطبه له, un de leurs guides il a dit dans une khutba, فقد قال المسيح الموعود اي غلام احمد الدجال leur guide ان اسلامهم غير اسلامنا والههم غير إلهنا وحجهم غير حجنا وهكذا نعم وهكذا نخالفهم في كل شيء. En parlant des croyants, en parlant des musulmans, un de leurs guides il a dit leur islam c'est pas notre islam, et l'islam de la communauté du prophète Mohammed c'est pas leur islam, et leur ilah, celui qu'ils adorent, c'est pas celui qu'on adore. أي الله سبحانه وتعالى. ثم إلى كذلك الحج. leur حج c'est pas notre حج. on a vu que eux leur حج c'est القاديانية. On a vu qu'Adalik, leur dîn, c'était autre que l'islam. Leur prophète, c'était leur guide, Ghulam Ahmed. Il a montré clairement qu'ils contredisent les musulmans dans tout. Et on l'a vu. On l'a vu dans ce résumé qu'on a fait ensemble. Wallahi alhamd. Waqala Mahmoud Ahmed, Ibn Ghulam Ahmed, un des fils de Ghulam Ahmed, waqad akkad al-Masih al-Maw'oud, et son père. Son père, il a insisté an annahi an salat al-Ahmadiyyin khalf rajul min ghayr al-Ahmadiyyin. Son père, il insistait que ses suiveurs, al-Ahmadiyya, al-Qadiyaniyya, ils n'ont pas le droit de faire as-salat derrière un musulman. Limada, ils avaient cette aqida que un musulman, c'est pas un musulman, c'était un kafir. Yukaffiruna al-muslimin. Ils avaient aqida al-takfir. وقال ايضا هذا الخبيث من الواجب علينا ان لا نعتقد باسلام غير الاحمديين وان لا نصلي خلفهم. Donc ils avaient cette aqida. Et c'était obligatoire d'avoir la conviction qu'il n'y a que l'Ahmadiyyin qui était des musulmans, que le Qadiyaniyya. Mais les autres, c'était des kuffars. Après tout ça, on peut citer, pour finir, al-hukm al-Qadiyaniyya. Et avec ce résumé, al-hukm, il est clair. Annahum, c'est des kafaras, c'est des mécréants. Falihada su'ilat al-lajna da'ima عن فرقة القاديانية فأجابت الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ختمت النبوة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعده لثبوت ذلك بالكتاب والسنة. العلماء en général, quand ils parlent de القاديانية, ils parlent de cette مسألة, le fait que leur guide, il a prétendu que c'était un nabi. وإلا فهي plusieurs points qui montrent que c'était des kuffars. نعم. Et on les a cités ensemble, وَلِلَّهِ الْحَمْدِ. قَالَتْ أَيْ أَلَّجْنَا فَمَنْ اِدَّعَ النُّبُوَّةِ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ كَذَّابٌ وَمِنْ أُولَٰئِكَ غُلَامْ أَحْمَدَ الْقَادِيَانِ. Tous ceux qui prétendent la prophétie après le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est des menteurs. Et parmi eux, غُلَامْ أَحْمَدَ, le fondateur de Al-Qadiyaniyya. قَالَتْ فَدَعْوَاهُ النُّبُوَّةُ لِنَفْسِهِ كَذِبٌ وما زعمه القاديانيون من نبوته فهو زعم كاذب. نعم. Le fait qu'ils ont prétendu que leur guide c'était un prophète, c'est un mensonge. وقد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة باعتبار القاديانيين فرقة كافرة من أجل ذلك. C'est pour ça que le comité des grands savants en Arabie Saoudite et d'autres savants bien sûr, et ils ont démontré clairement que ce groupe, c'est un groupe mécréant. Aham al-Maraji', celui qui veut approfondir qalilan les égarements de cette secte al-Qadiyaniyya, on peut citer deux livres, deux références. Kitab al-Qadiyaniyya, Dirasat wa Tahlil, le Cheikh Ihsan, Ilahi Zahir, Rahmatullah Ali. Et Cheikh Ihsan, Rahmatullah alayhi, il était connu bi kutubihi an-nafi'a as-sahla. Il a écrit beaucoup de livres. Wallahi alhamd, on en a profité tout au long de cette série pour réfuter les égarés, que ce soit le Qadianiyya ou le Rawafid ou autre. Donc ce livre, c'est une référence. Et le deuxième livre, wastafadna minhu kathiran, dans cette kalima, on l'a cité plusieurs fois, al-idahat al-jaliyya fil kashf an hal al-Qadianiyya. Et الشيخ محمد بن عبد الله السبيل رحمة الله عليه. فبهذا ولله الحمد انتهينا l'étude, le résumé des égarements de cette secte. Et كذلك بهذا انتهينا cette série avec ce dernier groupe. On a fini cette série qu'on a commencé il y a deux ou trois ans, ولله الحمد. Cette série sur les groupes zégarés, al-firaq, al-tal. Et هذا الموضوع, on l'avait choisi, les ahmiyyati. Pourquoi on avait choisi de résumer, de faire cette étude en plusieurs cours des sectes anciennes? On avait commencé, wallahi alhamd, par al-khawarij, ثم الروافد, al-jahmiyya, al-mu'tazila, al-ash'ira, al-sufiya, etc. ثم on a résumer les égarements de certaines sectes contemporaines, al-Ikhwan, al-Tablir, al-Tijaniya, al-Qadianiya, al-Da'ish, al-Qaïda, etc. Il va aller en ahada, c'est muhim. C'est muhim de connaître la secte, les fondements. Les sectes qu'on a citées, khasatan, les sectes de l'époque, c'est les fondements de tous les autres groupes. Tu as remarqué, maintenant, al-Qadianiya, ils ont du tashayyu, ils ont du tasawwuf, ils ont du takfir. Da'ish, maintenant, ils ont usul al-Khawarij, al-Awwalin. Wahakada, connaître les fondements des groupes égarés, c'est très très important. L'imam, ces groupes, ils sont propagés à notre époque. Enfin, une étude de ces groupes, c'est très très important. L'imam, ils pensent qu'ils sont loin de ces groupes, et wallah, ils ont afkar im al-Khawarij. Ils ont le raisonnement de al-Khawarij, ou ils ont des principes de Rawafud, ou des principes de Jahmiya, iyadan billah. L'imam, à cause de l'ignorance. Enfin, connaître la vérité, c'est très très important. Et pour connaître la vérité, on doit absolument connaître le faux, les égarements. C'est pour ça qu'on avait décidé d'étudier ces groupes. Enfin, on conseille nos frères de donner de l'importance à hadha al-bab al-muhim ou à ba'd al-ikhwa waffaqna Allah wa iyyahum. Ils ont pris la décision de résumer tous ces dorus qu'on a fait ensemble. Dans un livre, dans un PDF en langue française, et Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqahum. Et ça, c'est important kadhalik, à l'écrit de résumer. Et en langue française, en arabe, wallahilham, tu trouveras beaucoup de livres fi hada. Et en langue française, c'est important d'avoir un résumé, un condensé des égarements de tous ces groupes avec des preuves, min al-kitab, min al-sunnah, avec des paroles de savants et kadhalik avec des références de ses propres groupes. Vous avez remarqué que souvent, wallah ilham, on citait leur égarement et la parole de leur shir, de leur fondateur, d'un de leurs guides. Hatta là, ahad yaqoul anna, vous rajoutez, vous mentez là. On a cité leurs paroles avec la référence, wallah ilham. Et on essaiera kadhalik. Inch'Allah ta'ala, quand on aura un peu de temps, de faire une série sur al-Adyan, al-Batila, wal-Afkar, al-Haddama. Ça, c'est important, kadhalik. Et le même style qu'on vient de terminer, wallah, sur les sectes de la communauté ou qui se disent musulmans, matalan al-Qadianiya, ils font pas partie des croyants, des musulmans, c'est des kafara, lakin, ils se disent musulmans, c'est pour ça qu'on les a cités, on a. Lakin, on peut faire une autre série sur les religions batil, l'afkar, l'hadama, les groupes égarés, lakin qui n'ont rien à voir avec l'islam, qui se disent pas musulmans. Maintenant, les juifs, les chrétiens, l'afkar, l'hadama, comme le socialisme, comme le communisme, comme هذه الأفكار. نعم. فنسأل الله التوفيق والسداد. وإلا فالآن, on a terminé, ولله الحمد, cette série, et prochainement, on va bientôt reprendre nos dourous en direct, Inch'Allah ta'ala, et on commencera avec Talkhis al-Hamawiyya de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, pour terminer, et ça sera notre dernier livre dans Al-Aqidah. On avait commencé, Walillahi al-Hamd, ou on avait fini plutôt l'étude de l'Iqtisad fi l'I'tiqad de l'imam Abd al-Ghani al-Maqdisi, thumma al-Qa'id al-Mutla de Cheikh Ibn Uthaymeen, thumma al-Wasitiyya de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, thumma on avait étudié Taqrib al-Tadmouriyya. Et pour terminer, manquer ce livre qu'on fera bientôt ensemble, bi-idhnillahi azza wa jal, Talkhis al-Hamawiyya. Fallait on conseille nos frères qui assistaient avec nous auparavant de réviser, surtout al-Wasitiyya et al-Taqrib. Wa hakada al-Qa'id al-Mutla. De réviser les am li ma'ala, il y en a ce livre, Talkhis al-Hamawiyya, on ne répétera pas tout, c'est la suite. Fa-nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-tawfiq. للجميع. أما quand est-ce qu'on reprendra les dorus, fa inshallah très bientôt. On vous préviendra quand on commencera. نكتفي بهذا ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن ينفعنا بما قلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.